suis qu'un trucage humain en voyage vers l'Andalousie, le pays où les paysages se dessinent comme des spaghettis western. On raconte que États-Unis, une vallée morte de jalousie, de l'Andalousie et de ses spaghettis western. Oh, Andalousie, le pays où les femmes regardent droit dans les yeux, le soleil sans lunettes ni autre trucage, droit dans les yeux. Je ne suis qu'un trucage humain qui voudrait devenir un homme sans trucage à mon âge. Le truc parfait serait d'être considéré comme un homme, un vrai, un grand, un être humain de mon âge. Un homme sans trucage. Je ne suis qu'un trucage humain, j'ai croisé sur mon chemin un humain sans trucage qui rêvait, cela dit, jour et nuit, d'en devenir un. Pourtant c'est lui qui me donne encore aujourd'hui la force et l'envie de rester parmi les humains aujourd'hui. Oh, encore et encore j'ai dit merci à celui, c'est ceux qui comme lui lacèrent les cieux de mille feux sans artifice. Il se glisse dans un livre, un regard vous tape sur l'épaule pour vous dire vas-y. Vas-y, saute, monte, grimpe à ton cœur, sauve-toi, n'aie pas peur, ouvre grand mon petit, il est temps d'avaler une énorme bouffée d'air frais. Andalusia, anda, anda, Andalusia, anda, anda, Andalusia, anda, anda, Andalusia, anda, anda. Humain qui voudrait devenir un homme sans trucage à mon âge. Le truc parfait serait d'être considéré comme un homme, un vrai, un grand, un être humain de mon âge, un humain sans trucage. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Gameuzo au 107 FM sur l'émission culturelle, l'émission où on parle d'œuvres culturelles, comme son nom l'indique. Aujourd'hui, cette émission sera entièrement consacrée à la mécanique du cœur. Qu'est-ce que la mécanique du cœur? C'est tout d'abord un roman publié le 22 octobre 2007, puis, quelques jours après, le 5 novembre 2007, un album du groupe Dionysos, donc le groupe de Mathias Malzieu, est sorti, donc un album concept. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un album concept, c'est un peu comme une comédie musicale, mais seulement avec de la musique et seulement par album, racontant la même histoire donc, que le livre, mais par musique. Et enfin, le 5 février 2014, donc bien plus tard, un film est sorti. Il est important de souligner que je ne parlerai presque pas du film ici, puisque je n'ai pas eu le temps de le voir, et que tout le monde le connaît déjà plus ou moins, donc c'est beaucoup moins important d'en parler. Cependant, si vous hésitez à le voir, j'en ai eu que des retours positifs, donc vraiment, allez-y. Dans un premier temps, nous allons parler de l'histoire globale de Jacques et la mécanique du cœur, enfin de la mécanique du cœur, puis le film en fait s'appelle Jacques et la mécanique du cœur, donc je ne sais pas pourquoi ce changement de nom. Puis, dans la deuxième partie de cette chronique, nous allons passer à la critique, donc la critique du livre, la critique de la musique, et la différence entre les deux supports. L'histoire de Jacques et de la mécanique du cœur est plutôt simple. Un enfant né le jour le plus froid de l'année 1874. L'hiver était si froid que son cœur est gelé. Et donc, Madame Madeleine, une sage-femme, une réparatrice d'enfants en fait, lui a réparé son cœur en fait en lui fabriquant un cœur-horloge pour qu'il puisse survivre à cet hiver. Mais dans le livre, il est très rapidement expliqué que ce cœur est très fragile. Et donc, pour éviter de le briser, Madame Madeleine donne 3 conseils à Jacques. Je cite, « Premièrement, ne touche pas à tes aiguilles. Deuxièmement, maîtrise ta colère. Troisièmement, ne te laisse jamais, au grand jamais, tomber amoureux. Car alors, pour toujours, à l'horloge de ton cœur, la grande aiguille des heures transpercera ta peau. Tes os imploseront et la mécanique du cœur sera brisée à nouveau. » Très vite, Jacques va tomber amoureux et va donc parcourir toute l'Europe, tout l'Europe, pour aller en Andalousie, afin de retrouver celle qu'il aime. Alors s'en suivra une histoire vraiment intéressante sur l'amour, sur la pureté, et sur la désillusion, sans vous révéler la fin. Voilà, c'est cette naïveté en fait d'un enfant, brisée peu à peu, au fil du livre, et bien sûr de l'album. Alors, pour l'anecdote, dans l'album, beaucoup de personnes connues auront participé. Donc, par exemple, Alain Bachung aura joué Jacques l'Éventreur. Grand Corps Malade aura interprété le rôle de Joe. Et d'ailleurs, tous les textes où c'est Joe qui parle ont été écrits par Grand Corps Malade. Olivia Ruiz, qui chante La Femme Chocolat, joue Miss Acacia, donc la fille dont Jacques est amoureux. Jean Rochefort, qui est un acteur, interprète le rôle de Méliès. Et donc, comme vous l'avez remarqué quand j'ai énoncé les noms, deux personnalités de l'époque font partie de l'histoire, donc Jacques l'Éventreur et Méliès. Jacques l'Éventreur qui fait une apparition très brève, mais vraiment imposante. Et Méliès qui accompagnera dans son périple Jacques pendant tout le livre. Pour critiquer l'histoire globalement, présente donc dans l'album et dans le livre, je dirais qu'elle est vraiment intéressante dans le sens où l'amour pousse deux des personnages, donc Joe et Jack, à faire des choses très bêtes, mais vraiment très bêtes. Bon, ça va être dur de plus développer ce point sans révéler la fin du livre, mais au final, Miss Acacia, à la fin, paraît presque comme une chose à posséder plus qu'une vraie personne. Et je trouve ça vraiment intéressant parce qu'au final, ça montre à quel point l'amour peut pousser des personnes à être aveuglées plus par la haine, par la jalousie, que par réellement l'amour en fait. Ce qui est sans doute la morale du livre, s'il y en a une. L'histoire est vraiment très enfantine, ce qui fait du bien. Cependant, je ne conseillerais ni le livre, les musiques ça va, mais ni le livre ni le film à des enfants. Le film est déconseillé au moins de 6 ans de toute façon. Mais le film comporte des passages vraiment violents, d'après ce que j'en ai entendu parler. Et le livre contient quand même des termes qui vaut mieux ne pas lire à des enfants. C'est pas non plus très choquant, mais c'est pas une bonne idée de lire le livre à des enfants trop jeunes non plus, quoi. L'ambiance, fin du 19e, début du 20e siècle est très bien retranscrite. On y retrouve toute cette ambiance un peu... la fin de la révolution industrielle, qui est d'ailleurs retranscrite par les horloges, tout simplement, qui sont bien sûr omniprésentes dans le livre ainsi que dans les musiques. J'y reviendrai tout à l'heure. Le cœur étant une horloge, le thème des horloges y est omniprésente. On y découvre aussi la technologie, grâce à Georges Méliès, qui étant un inventeur, pour ceux qui ne le savent pas, il a en fait inventé le premier vrai film à effets spéciaux, Voyage sur la Lune, puis c'est un des pionniers du cinéma. Et donc, grâce à lui, on y retrouve vraiment tout ce côté scientifique, mais quand la technologie en fait rencontre l'art, quand la technologie fait rêver en fait, puisque le personnage de Méliès, à la fois dans l'album, et à la fois dans le livre, est vraiment excentrique et impressionnant en fait par sa folie, mais tout de même sa capacité à rester sérieux dans les moments où il le faut. Encore une fois, je ne vais pas révéler la fin du livre. Cette recherche aussi de moyens de décrire en fait l'amour, mais de décrire l'amour vraiment à un point, d'écrire de plus en plus l'amour, est vraiment impressionnant. Encore une fois, Je ne pourrai pas révéler la fin du livre, mais on peut y voir jusqu'à où Jacques est prêt pour conquérir Miss Acacia. Et c'en est presque effrayant. C'en est presque effrayant à la fin. La fin en est presque effrayante pour ça, parce que justement, il devient vraiment fou. Il en devient fou dans le sens littéral. Je vous propose donc la deuxième pause musicale de cette chronique, avant de continuer avec la deuxième partie, donc la critique du livre et de l'album. Je vous propose donc d'écouter La Panique Mécanique, la seule musique dans laquelle apparaît Alain Bachung. Je panique la mécanique de mon cœur, déraille au point que je me prenne pour un vieux train. Locomotive à vapeur qui fait du wheeling sur les rails de mes propres peurs. J'ai peur de quoi? J'ai peur de toi, enfin de moi. Sans toi, regarde, tu vois la vapeur filtrer sous les rails. C'est la panique mécanique de mon cœur. Locomotive, locomotive à vapeur. La panique mécanique de mon cœur. Locomotive, locomotive à vapeur. Qu'il est, je suis sonné comme un clocher abandonné dans un désert de fumée bleue. Comme la peur de m'en aller, aller, aller, des aléas, des allers-retours me cause quelques fracas que j'apprendrai à éviter une autre fois. Mais là, voyez, ça commence à claquer, j'ai du pop-corn dans le cœur. C'est la panique mécanique de mon cœur. Locomotive, locomotive à vapeur. La panique mécanique de mon cœur. Locomotive, locomotive à vapeur. Sans toi, si tu ne m'attends pas à la gare, mon cœur est lourd et ne flotte pas dans les océans, même pacifique. Il coule à pic, un cœur qui pique, je le sais, n'est pas très bon à aimer. Allez les brumes, faites claquer vos trains hantés, à l'heure qu'il est, je peux vous en fabriquer des fantômes de femmes sublimes, blondes ou brunes, à découper à même la brume. Je peux les éventrer sans même les effrayer et signer votre humble serviteur, Jack l'Éventreur. N'aie pas peur, petit, tu apprendras bien vite à effrayer pour exister. N'aie pas peur, petit, tu apprendras bien vite à effrayer. C'est la panique mécanique de mon cœur. Loco-locomotive, loco-locomotive à vapeur. La panique mécanique de mon cœur. Loco-locomotive, loco-locomotive à vapeur. La panique mécanique de mon cœur. Loco-locomotive, loco-locomotive à vapeur. Vous êtes encore sur Radio Gemozo au 107FM pour l'émission culturelle. L'émission où on parle d'œuvres culturelles comme son nom l'indique. Pour la deuxième partie de cette émission entièrement consacrée à la mécanique du cœur de Mathias Malzieu. le livre et l'album. Alors tout à l'heure, je vous parlais donc j'allais parler de la critique. Et commençons donc par la musique, enfin par l'album. Comme vous venez de l'entendre, la musique que vous avez écoutée est La Panique Mécanique. Et c'est sur cette musique qu'on peut découvrir le seul vrai problème de l'album. Là où dans le livre, en fait, les émotions sont vraiment intenses. Par exemple, dans cet extrait, enfin dans le livre, le passage là, la rencontre avec Jacques l'Éventreur, Jacques, au début, il ne comprend pas, mais très vite, quand il comprend à qui il a affaire, il en devient terrorisé. Mais dans la musique, les émotions sont pas toujours les bonnes qui sont retranscrites. Par exemple, dans cette chanson, on a plus envie de danser que ce qu'on tremble, en fait. C'est pareil dans Tais-toi mon cœur avec Olivia Ruiz. On a plus envie de danser que ce qu'on est triste pour le personnage. Alors que justement, dans le livre, c'est le passage le plus triste. Donc ça, c'est, je pense, le plus grand et par l'un des seuls défauts de l'album. Le second défaut, c'est aussi cet aspect très répétitif des musiques à cause de ce leitmotiv de l'horloge qui est tout le temps repris. Donc soit c'est vraiment le tic-tac d'une horloge, soit c'est le battement de cœur, mais c'est toujours quelque chose de très rythmé. Et encore dans La Panique Mécanique, qu'on le voit moins, c'est-à-dire c'est plus un bruit de train, mais encore une fois, on ressent un bruit un peu régulier. Et quand on écoute toutes les musiques de l'album à la suite, on a cette impression en fait de répétition qui est peut-être un peu ennuyeuse à force. Mais sinon, les musiques sont vraiment magnifiques, donc c'est du rock. Elles s'accordent parfaitement avec le style un peu poétique, un peu enfantin du livre. Elles s'accordent aussi très bien avec la période, puisque encore une fois, quand je parlais des battements qui sont répétitifs, il n'empêche que ça retranscrit quand même très bien l'époque un peu révolution industrielle, en tout cas la fin de la révolution industrielle. Les genres musicaux sont mélangés, mais le mélange est vraiment réussi. Par exemple, on aura du Negro Spiritual avec When the Saints Go Marching, qui est une reprise de la vraie musique, qui de base était un Negro Spiritual, justement. Le thème de Joe, c'est du slam, vu que c'est Grand Corps Malade qui chante. Et justement, ça vient à soulever une autre qualité des musiques, c'est que tous les personnages, que ce soit Alain Bashung, Grand Corps Malade, ou Olivia Ruiz, leurs styles sont respectés. Dans le sens où, Grand Corps Malade, on lui demandera jamais de chanter vraiment du rock, non. On lui fera slammer, vraiment avec des textes qui lui ressemblent. Bashung, qui a pourtant un style très difficile à retranscrire, il est bien retranscrit. Et Olivia Ruiz, il y a cette idée un peu qui lui est propre. Après, je connais beaucoup moins Olivia Ruiz, je connais moins ce qu'elle fait, mais je sais que les musiques lui ressemblent vraiment par rapport à ce que j'ai pu entendre d'elle. Et c'est pourtant une... Je pensais que ça allait être justement une complication, puisque les personnages étaient déjà écrits. Et donc, Mathias Maldieu a réussi quand même à respecter le style des personnages et des interprètes du personnage. Enfin, j'aurais pas imaginé que Bashung aurait pu jouer Jacques l'Éventreur. J'aurais pas imaginé que Grand Corps Malade puisse chanter les passages de Joe quand j'ai lu le livre. Mais au final, le rendu est vraiment naturel. Et c'est ça qui le rend vraiment intéressant, cet album. Il dégage aussi des émotions très puissantes, malgré le fait que effectivement ça soit pas forcément les bonnes. On remarque quand même que quand on écoute l'album à la suite, on comprend quand même, on réussit à comprendre quand le personnage ressent quelque chose ou quand il est plutôt calme. Même si effectivement des fois on peut se tromper sur les émotions qu'il ressent, mais on peut pas se tromper sur l'intensité de ses émotions. Et enfin, je pense la principale qualité de cet album, c'est que toutes les musiques font avancer l'histoire. Elles réussissent à faire avancer l'histoire, à dégager des très bons textes, et tous les morceaux en tant d'un point de vue musical, sont réussis aussi. Le jour le plus froid du monde, ça montre l'enfance de Jack, avec cette idée un peu enfantine, un peu boîte à musique, un peu comptine. La berceuse hip-hop du Dr Madeleine, il y a quelque chose d'un peu somnambulique, d'un peu hypnotique dans le morceau. Dans le thème de Joe, on y ressent une colère contenue, ainsi que, encore une fois, les textes qui sont ceux, enfin, qui justement se détachent du livre, mais qui proposent quand même un point de vue intéressant sur l'histoire, puisque là, c'est contrairement au livre, c'est Joe qui parle, c'est Joe qui explique son point de vue, et on comprend qu'il n'est pas si méchant, que ça. Dans L'homme sans trucage, c'est peut-être la musique qui fait le moins avancer l'histoire, je dirais, enfin, qui a une moins d'intérêt pour l'histoire. Mais pourtant, on y découvre un peu tout l'aspect excentrique de Jean Rochefort, enfin de Méliès, interprété par Jean Rochefort. Et enfin, dans par exemple Tais-toi mon cœur, on y découvre toute la fin de l'histoire, et avec un effort sur les textes vraiment incroyable. Déjà dans le titre, on peut comprendre que cœur, Jack parle à la fois à son cœur dans le sens littéral, c'est-à-dire son horloge mécanique, lui, il en a marre de ne pas avoir un vrai cœur. Mais il parle aussi à Acacia, grâce à l'appellation amoureuse de cœur. Voilà, j'ai donc fini de parler de l'album, je vais donc parler du livre. Alors déjà, j'ai été impressionné parce que pour quelqu'un qui n'est pas forcément habitué à l'écriture, ou en tout cas qui n'est pas connu pour ça, le style est vraiment fluide. On comprend facilement où il veut en venir, tout en gardant ce côté imprévisible qui manque parfois dans les livres. C'est-à-dire ce côté un peu tranquille, un peu promenade. Là où beaucoup de livres avancent toujours et ne s'arrêtent jamais sur les choses qui n'ont pas forcément d'importance. Ce que je trouve dommage. Encore une fois, je le répéterai jamais assez, mais le style très enfantin du livre est adorable et contraste avec les passages où il y a une désillusion vraiment violente. Et la désillusion de ce livre, en fait, fait d'autant plus mal que pendant tout le reste du livre, Jack a été bercé dans une sorte de naïveté, dans une sorte d'inconscience des vrais problèmes, ce qui rend la fin encore plus douloureuse. L'idée du cœur mécanique est vraiment poétique et très bien utilisée, puisque à la fin tout cela prendra un sens. Un sens vraiment intéressant qui donne encore une explication au message que veut porter le livre. Encore une fois, rempli de sous-entendus. Un peu dommage, puisque ça ne le rend pas forcément accessible à tous. Mais ça ne pose pas problème, justement, ça décontraste un peu avec le côté un peu niais que peut avoir Jacques. Et justement, ça montre qu'il est un peu entre les deux et qu'il n'est pas que niais. Et encore une fois, l'ambiance de ces années, encore une fois, je le répéterai jamais assez, mais terriblement bien retranscrite, déjà grâce aux personnages historiques, aux deux personnages, Jacques l'Éventreur et Méliès. Quand on s'intéresse un peu aux personnages, on a vraiment l'impression que ce sont les vrais personnages, que le vrai Jacques l'Éventreur et le vrai Méliès ont rencontré Jacques dans la vraie vie, tellement la psychologie de leurs personnages est bien réussie. Mais aussi, cette différence de culture entre l'époque et aujourd'hui, qui justement est assez floue. Il y a des passages où on a l'impression de vivre aujourd'hui, parce que la culture n'a pas changé. Mais il y en a d'autres, notamment sur Madeleine, qui, parce qu'elle recueille les enfants considérés comme une sorcière, et c'est là qu'on se dit que les mœurs ont changé. Et c'est ça qui rend ce livre si intéressant, d'un point de vue historique. Cette chronique est donc terminée. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. A bientôt sur Radio Gameuzo. Ghost train, I met this old girl called Bridget, and I'm the voice of the ghost train. They used to steal school from the graves to make a nice decoration in the ghost train. She was scary in the ghost train, and she wanted to frighten people. Little, little, little. There was a king on the ghost train, cause all the people want to see my heart.